Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Chose promise, nous retrouvons Franck Ferrand en direct et en public, on l'entend, du Salon de l'Agriculture sur le stand des produits laitiers. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous les entendez, hein, oui, les, on les entend visiteurs bien. Du Salon de l'Agriculture, ils sont là avec nous cet après-midi. Et un autre tour, en effet, nous venons au cul des vaches au sens propre, puisqu'elles sont la voisine. Hein. Je peux vous dire qu'il y a de super spécimens d'Aubrac à quelques mètres seulement sur notre droite. Nous allons profiter de cette immersion au cœur des terroirs et de leur gastronomie pour évoquer l'un des plus fins palais de notre histoire, Monsieur Brillat Savarin, dont je vais vous raconter la vie de gastronome. Et puis à propos de gastronome, il n'est jamais bien loin lorsqu'il est question de bonne chère. En l'occurrence, il arrive tout droit du hall 3 où il était en train de présenter son émission Midi en France sur France 3. J'ai nommé Monsieur Vincent Ferniaud qui va nous accompagner cet après-midi. Mais oui, vous pouvez l'applaudir. Bonjour Monsieur Franck Ferrand. Vous allez bien ? Oh là, formidable. Au Salon de l'Agriculture, il n'y a pas le choix. Alors nous allons nous promener ensemble dans une région accueillante entre toutes, le Bas-Bugey, dont nous parlera Sabrina Chauvet, qui vient de là-bas tout exprès. Elle est arrivée avec quelques divins flacons, d'ailleurs, pour tout vous dire. Avant cela, je voudrais quand même vous rappeler que j'étais l'un des premiers au Salon de l'Agriculture cette année, dès lundi matin, du moins si l'on en croit Jérôme Commandeur. Écoutez ce que j'ai entendu au réveil lundi, histoire de bien commencer la semaine. Nous retrouvons notre historien préféré, Franck Ferrand, qui se trouve au Salon de l'Agriculture, qui vient d'ouvrir ses portes. Franck, est-ce que vous nous entendez ? Mais comment ça, ça se voit pas ? Vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de lâcher sur mes pompes ? C'est pas un pigeon, c'est une vache. Trouvez-moi le commissaire du salon immédiatement. Ah, hein. Il va se prendre une note de frais de chez Mephisto, celui-là, ça va pas traîner. Hein. Mais attendez, Franck, vous êtes à l'antenne, là. Oui, bah pardon, Julie, je discutais tout à fait sympathiquement avec le propriétaire de Fine, la nouvelle mascotte du salon, qui, un peu à l'image du Père Noël, vient de déposer un cadeau dans mes chaussons. Hein, le jour où je devais remettre la médaille d'officier des arts et lettres à Jean-Pierre au Rotary Club de Savigny-sur-Orge, en plus, franchement, vous auriez pu me dispenser de l'événement. Hein. Mais enfin, c'est pas très gentil de dire ça pour les agriculteurs. Mais c'est vous qui êtes tombé sur la tête, Europe 1. J'adore les agriculteurs, mais j'ai rien à foutre là. Faites commenter de l'athlétisme à Catherine Ney aussi. Tiens, vous verrez, c'est honteux. Europe 1. 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Dans la physiologie du goût ou méditation de gastronomie transcendante, Jean-Anthelme Brillat Savarin donne l'âge idéal que doivent avoir les bonnes choses. Œuf d'une heure, pain d'un jour, vin d'un an, c'est pas beaucoup ça, poisson de deux, maîtresse de 15, c'est pas beaucoup non plus d'ailleurs, non, pas du tout. Ami de 30, dit-il. La physiologie du goût a été un grand succès à sa sortie, à la fin de l'année 1825, mais à l'époque, personne ne sait que Brillat Savarin en est l'auteur, puisque l'ouvrage a été publié anonymement. Et d'ailleurs, Brillat Savarin ne va pas avoir tellement le temps de profiter de son succès, puisque quelques semaines après la parution de l'ouvrage, on est le 21 janvier 1826, 21 janvier, c'est le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, et pour une cérémonie d'hommage à Louis XVI, Brillat Savarin se rend à la basilique de Saint-Denis. Nous y étions, nous, l'autre jour, et je peux vous dire qu'il n'y fait pas chaud à cette saison. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Brillat va attraper un rhume, le froid, faut dire, est glacial. Son rhume se transforme en pneumonie et il meurt 10 jours après, le 2 février. Balzac dira « Il ne quitta les fleurs de lys qu'avec la vie ». Une vie riche et mouvementée dans laquelle le royaliste Brillat Savarin n'a pas été seulement un épicurien gourmand, même si la cuisine a occupé évidemment chez lui une place prépondérante, c'est son principal point commun avec Vincent Ferniaud. D'ailleurs, il faut dire qu'il est né dans une famille de gourmets. Il est venu au monde le 1er avril, ça ne s'invente pas, 1755, à Belley, dans le Bugey, et aujourd'hui dans le département de l'Ain. Et on raconte que sa mère, Claudine Aurore, qui était une cousine de Juliette Récamier, et qui tiendra plus tard à partir du directoire, vous savez, ce célèbre salon, le salon de Madame Récamier, sa mère a inspiré au cuisinier de la famille un pâté, l'oreiller de la belle Aurore. Alors, il y avait là-dedans deux perdreaux rouges, une noix et un riz de veau, du porc, du canard, du poulet, un râpe de lièvre, de la moelle de bœuf, des truffes, des pistaches, et tout ça croûté et nappé d'un aspi, s'il vous plaît. Et très difficile à cuire. Hein, et j'allais dire à digérer, ah oui, moi. Oui, oui, en épaisseur. Alors, beaucoup plus tard, une sœur de Bria Savarin va mourir à la fin d'un repas à 99 ans, après avoir murmuré « Je sens que je vais y passer vite à porter le dessert ». Et c'est ce qui aurait inspiré à un membre de la famille cette phrase. Elle partit prendre le café dans l'autre monde. Le nom de famille de Jean-Anthelme Bria Savarin, au départ c'est Bria. Et puis on a rajouté le nom de Savarin pour faire plaisir à une vieille tante, Marie-Gaspard Savarin, qui avait accepté en mourant de léguer sa fortune à la famille à condition qu'on préservât le nom. Donc c'est devenu la famille Bria Savarin. Le nôtre, Jean, va suivre des études de droit. Il marche dans les traces de ses aïeux. C'est une famille dont la noblesse de robe remonte au XVIIe siècle. Son père a été procureur du roi, avocat. Lui-même devient lieutenant civil au bailliage de Belley. Lieutenant civil, c'est-à-dire un juge en première instance, hein, tout simplement. Et déjà, entre deux audiences, il passe du bon temps, Bria. C'est un épicurien, vous l'aurez compris. Il aime la bonne chère, le vin, mais aussi la danse, la musique. Il faut dire qu'il joue très bien du violon, ce qui va le sauver un petit peu plus tard. Nous allons y revenir. En 1789... il est envoyé comme député du tiers-état pour le bailliage de Bugey aux états généraux. Alors, il va participer à tous les événements, hein, bien entendu. Il est dans cette assemblée nationale qui se crée à l'époque. Il participe au débat de la constituante. Il n'intervient pas beaucoup, mais quand même, c'est un bonhomme de grande taille, d'une prestance remarquable. Tout ça ne passe pas inaperçu, bien entendu. Il faut vous dire qu'il est contre l'instauration des départements et il est pour la peine de mort. Ça fait partie des déclarations qu'il a pu faire pendant son mandat. À la dissolution de cette assemblée, donc au moment où on change de régime en 1792, il revient à Belley. Il exerce à l'époque les fonctions de président du tribunal civil. Vous voyez qu'entre parenthèses, on a modernisé les noms. Hein. On ne parle plus de lieutenant général. Là, on parle maintenant d'un président de tribunal civil dans le département de l'Ain. Il sera nommé juge de cassation, mais il reste royaliste, lui. Et au moment où on vote l'exécution du roi, il se dit que ça commence à aller, ça devient dangereux, évidemment. Il décide de partir pour Dole et de plaider sa cause auprès du commissaire du département, autant dire l'envoyé de la Convention. Cela n'entame pas son appétit, hein, je vous rassure. Il prend du temps en route pour s'arrêter dans une auberge du Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura. Il racontera ça dans la Physiologie du goût, je le cite. « Devant un feu vif et brillant, tournait une broche agréablement garnie de caille et de ces petits râbles à pieds verts qui sont toujours si gras. Ce gibier de choix rendait ses dernières gouttes sur une immense rôtie dont la facture annonçait la main d'un chasseur. Et tout auprès, on voyait déjà cuit un de ces levrots à côte ronde que les Parisiens ne connaissent pas et dont le fumet embaumerait une église. « Bon, dis-je en moi-même, ranimé par cette vue, la Providence ne m'abandonne pas tout à fait. Cueillons encore cette fleur en passant, il sera toujours temps de mourir. » Vous voyez finalement la philosophie de Bria, qui est donc acceptée à la table des convives. Et des années plus tard, il donnera à ce repas une mention honorable à une fricassée de poulet de haute facture telle qu'on n'en trouve qu'en province et si richement dotée de truffes qu'il y en avait pour retremper le vieux Titon. Sans oublier le fromage, une crème à la vanille, d'excellents fruits, Bria Savarin dira « Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil ». On la connaît, cet aphorisme. Ça fait partie des phrases que se sont obligés de citer les gastronomes. Alors, tout ça est accompagné d'un vin de l'Ermitage, un vin de paille doux et généreux, de liqueurs de Verdun. Alors, néanmoins, nous avions quand même une affaire en cours, donc il faut reprendre la route. Et le lendemain, Bria arrive auprès du commissaire pour obtenir son fameux sauf-conduit dans une période qui devient pour lui très dangereuse. Le commissaire n'est pas là. Bria Savarin va séduire l'épouse du commissaire grâce à son violon qu'il transporte avec lui et qui est devenu une sorte d'instrument de séduction. Il va éviter l'arrestation. « Citoyen, lui dit-elle, quand on cultive comme vous les beaux-arts, on ne trahit pas son pays. » Eh bien, grâce à la musique et grâce à cette femme, disons-le, Bria Savarin va obtenir le précieux sauf-conduit. Mais malgré tout, il doit quitter la France et émigrer sans perdre pour autant le goût de la bonne chair. De la bande originale du film Le Souper, le film d'Edouard Molinaro et une musique signée Vladimir Kosma sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand est en direct du Salon international de l'agriculture jusqu'à 15h30 et il revient dans un instant pour continuer de vous raconter le parcours de Bria Savarin. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors Franck, vous êtes au Salon international de l'agriculture, en vous public. L'entendez. Ah oui, ça s'entend. Bonjour au public d'ailleurs, hein, depuis la rue François 1er. Merci. Vous nous racontez la vie de Jean-Anthelme Bria Savarin cet après-midi, ce magistrat et gastronome. Et pendant la Révolution, il décide de quitter la France. C'est ce que vous nous racontez. Mais j'ai quand même une question à vous poser. À cette époque de la Révolution, quelles étaient les habitudes culinaires des Français ? Ça dépend de qui on parle. Évidemment, si vous parlez d'une partie importante de la population, les gens simples, mm-hmm. si je puis dire, ils consomment des mets qui ne le sont pas moins, à base de soupe, de bouillie, de pain, bien entendu, sauf les jours de fête et ce qu'on appelle les jours gras, bien entendu, où évidemment on essaie de faire le plein de calories. Alors, pour tous ceux qui ont les moyens, et c'est évident que à la fin du XVIIIe siècle, il y a quand même des gens, il y a une partie de la population qui mange très bien, les repas sont copieux et sont en train de changer. C'est ça qui est intéressant. On abandonne de plus en plus tout ce qui était les pâtés, comme on disait autrefois. On liquide, j'allais dire. En tout cas, on consomme moins de gibier qu'auparavant, moins de viande faisandée, moins d'épices, bien entendu. Et on va avoir tendance à aller vers des rôtis, vers des choses un peu plus simples, qui se rapprochent de notre cuisine actuelle. On en parlera dans un instant, évidemment, avec Vincent Ferniaud, qui connaît tout ça par cœur. C'est l'apparition aussi d'un certain nombre de nouveaux mets dans les années 1770, le foie gras, la pomme de terre, bien entendu, toutes sortes de produits méridionaux également, l'aioli, la brandade de morue, etc. On voit se multiplier les magasins de comestibles, et vous savez que comme les cuisiniers des grandes maisons ont vu leur maître s'exiler pendant la Révolution, un grand nombre vont ouvrir des commerces compte, et ce sera le début de ce qu'on appellera des restaurants. Au départ, le restaurant, c'était le nom d'un petit bouillon qu'on prenait comme ça, comme en cas lorsqu'on était pressé ou qu'on faisait des courses. Alors, Bria Savarin, vous l'avez compris, doit émigrer, il part pour la Suisse. Un philanthrope l'ayant pris en charge et lui assurant deux dîners par semaine au restaurant, nous dit André Castelot, il s'en contentait. Il passait le temps entre les deux repas sur son lit, en buvant de l'eau pour se soutenir, il s'empiffrait régulièrement le mercredi et le dimanche soir et s'arrangeait pour emporter un quignon de pain. C'était son doggy bag, si vous voulez. On va le voir passer ensuite de Suisse en Angleterre. Il émigra à Londres, puis s'embarque pour Rotterdam. Et de Rotterdam, on le voit partir carrément pour les États-Unis en 1794, où il va donner des leçons de français. Il est premier violon au théâtre de New York. C'est quand même un bonhomme incroyable. Quelle vie invraisemblable. Ce qui ne l'empêche pas d'oublier, ce qui ne l'empêche pas de continuer à se montrer gastronome, bien entendu. Il apprend d'ailleurs une recette nouvelle aux États-Unis, le Welsh Rarebit, un plat à base de cheddar fondu et que l'on sert sur une tranche de pain grillé. On le voit enseigner l'art des œufs brouillés au fromage à un cuisinier de Boston. Le cuisinier en question est un Français qui autrefois a été au service de l'archevêque de Bordeaux, mais qui lui aussi a dû s'exiler au moment de la Révolution. Bria goûte la nourriture locale, le cornet de bif, l'oie en daube, les gigots, les liqueurs fortes, bien entendu. On raconte même qu'il a gagné un duel au rhum. Vous savez, c'est celui qui restera le plus longtemps debout. Et ben, il l'a gagné. Il était, faut dire qu'il avait de l'entraînement. Brillat Savarin ne rentre en France qu'en 1796. À ce moment-là, le directoire le nomme secrétaire d'état-major dans l'armée de Rhin et Moselle. Il est nommé commissaire du directoire auprès du tribunal de Versailles, puis conseiller à la Cour de cassation. Et ça, entre parenthèses, conseiller à la Cour de cassation, c'est un poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Toujours le même bonhomme pour ce qui est de la taille. La corpulence, elle, n'a fait que croître et embellir, vous imaginez bien. Ça lui donne évidemment une assise considérable. On le surnomme le tambour-major de la Cour de cassation. Et, disons-le, cet homme-là, en dehors du droit et surtout de la cuisine, s'intéresse à tout. Il parle 5 langues. Il se passionne pour l'archéologie, qui est assez balbutiement à l'époque, mais aussi pour l'astronomie. Il pratique la chimie. Non, mais c'est un esprit universel. On comprend d'ailleurs l'inspiration de la fameuse physiologie du goût. On y reviendra tout à l'heure. Il va écrire pas mal d'ouvrages, des traités d'économie politique, un essai historique, etc., un mémoire d'archéologie. Il est également un inventeur. Figurez-vous que c'est lui qui a inventé le tout premier vaporisateur. Ça s'invente pas, ça, quand même. Plutôt, ça s'invente. Il avait appelé ça l'irrotateur. Il est un des fondateurs de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est créée en 1801. Bref, ça devient une personnalité qui se voit décerner par Napoléon Ier la Légion d'honneur. Il fait partie de la noblesse d'Empire, avec toujours ce goût immodéré pour la table. On le voit fréquenter toutes les bonnes tables, privées et publiques. Il est dans tous les restaurants, etc. Dans Les gastronomes parisiens, Philippe Mello écrit, je le cite, « Si le cabaret boulanger de la rue des Poulies, ouvert vers 1765 sous le règne de Louis XV, fut le premier restaurant au monde, c'est au Palais Royal et dans ses environs, véritables cœurs battants de la vie parisienne jusqu'aux années 1830, que naquirent les premières grandes tables. Créées peu avant et pendant la Révolution, elles se nommaient Méo, les Trois Frères Provençaux, Véfour, Aubœuf de la Mode, Beauvilliers, et proposait à la carte un choix considérable de plats délicats et de vins rares, auparavant réservés aux salons privés de la noblesse ou de la grande bourgeoisie. Cette haute époque de la gastronomie française eut son chroniqueur avisé dès 1803, Grimaud de la Reynière, puis son philosophe, Brillat Savarin. Nous verrons jusqu'où les deux peuvent être réunis d'ailleurs. C'est une des questions que je brûle d'impatience de poser à notre Vincent. Brillat est également à la table d'un certain nombre de hautes personnalités. Il est très souvent à la table de Talleyrand, par exemple. Bref, il aime la gastronomie, un art de vivre dont il a fait toute une philosophie et dont il a, quelque part, tiré une véritable poésie. Cet après-midi, Franck Ferrand est au Salon international de l'agriculture. Alors si vous n'avez pas la chance de faire partie du public de l'émission, vous pouvez bien sûr suivre Au cœur de l'histoire en direct et en vidéo sur europe1.fr. Et puis de 15h à 15h30, nous irons découvrir et déguster le délicieux patrimoine du Bugey. Si vous nous écoutez dans l'Ain cet après-midi, eh bien venez nous donner vos bons conseils de visite et de dégustation sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Jean-Anthelme Brillat Savarin en direct du Salon international de l'agriculture jusqu'à 15h30 sur Europe 1 et en public. Merci à vous. Alors on l'a vu, hein, Franck Ferrand, Brillat Savarin est une personnalité éminente et les plus grands noms de l'époque se retrouvent à sa table. Exactement, il reçoit beaucoup, bien sûr. Il reçoit Madame Récamier, vous aurez compris maintenant pourquoi. Il reçoit, il est président de la, il n'est pas président, mais il est un des membres éminents de la Cour de cassation. Donc évidemment, il a une vie mondaine très développée. Il reçoit Grimaud de la Reynière, bien entendu. Il reçoit aussi Balzac, qui raconte, je le cite, son costume était arriéré. Je vois encore le col de sa chemise élevé qui lui encadrait le cou et ses larges pantalons flottant sur ses souliers. Pas toujours très gentil, le Balzac. On a envie d'avoir des convives comme celui-là. Ses spécialités sont le filet de bœuf aux truffes, le diamant de la cuisine, hein, la truffe pour Brillat Savarin, l'omelette au thon, la fondue, le faisan aux oranges, des croustades de pommes duchesse garnies de truffes. Beaucoup de truffes, hein, vous l'aurez remarqué. Ça fait peut-être partie d'ailleurs des apports de Brillat Savarin. C'est une question qu'on va se poser dans un instant. Bref, les pointes d'asperges également, passées juste au beurre, comme ça, ça ne doit pas être mal. Un témoin raconte un dîner chez, enfin, ce qu'on appelait à l'époque un souper chez Briat. À chaque place, 2 douzaines d'huîtres avec un citron doré et luisant et une bouteille de sauterne à chaque bout. L'on servit après les huîtres, qui furent trouvées très fraîches, des rognons à la brochette, une caisse de foie gras aux truffes et enfin la fondue que l'amphitryon composait sur un réchaud à esprit de vin, apportée sur la table même, ajoutant ainsi l'incarnation du feu à la curiosité du mets qu'on allait savourer. C'est extraordinaire parce que le grand chic maintenant, c'est d'avoir des chefs qui viennent vous préparer des plats à votre table. On fait des espèces de table-ateliers. Et bien, voyez, on n'a rien inventé d'une certaine manière. Certaines mauvaises langues quand même critiquent les soupers de Briat-Savarin. C'est le cas du marquis de Cussy qui écrit « Il mangeait copieusement et mal. Il choisissait peu, causait lourdement, sans vivacité dans le regard, et était absorbé à la fin du repas. » Encore un bon convive. Et puis, dans les dernières années de sa vie, donc, Briat va travailler à cet ouvrage, cette physiologie du goût qui l'a rendu éternel. Ouvrage, alors quoi dire, hein, c'est un livre de gastronomie, de souvenirs, d'anecdotes, de philosophie, tout ça un peu mélangé. La gourmandise est une préférence passionnée, répétée et habituelle pour les objets qui flattent le goût. Elle est ennemie des excès, disait-il. Et alors, il y a tous les aphorismes. Je vous en dirai tout à l'heure des aphorismes de Briat-Savarin. Il y en a un, notamment, il dit « Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. » Plus tard, Grimaud rendra hommage à la physiologie du goût. C'est un livre de la haute gastronomie et près duquel mon almanach des gourmands n'est qu'une triste rhapsodie, dira-t-il. Comment un talent si profond, si piquant, a-t-il tardé à se dévoiler? C'est vraiment le chant du cygne. L'auteur est-il mort d'indigestion? C'est sans contredit le meilleur livre qui est paru depuis bien des années et il ouvrait de droit la porte de l'Académie à son auteur si ses portes s'ouvraient aux hommes d'esprit supérieur. Et allez, encore une petite vacherie au passage. L'histoire va avoir une incroyable postérité jusqu'à nos jours. Voilà ce qu'écrivent par exemple Gault et Millau. L'œuvre majeure du maître du Buget demeure sans équivalent dans aucune littérature étrangère. Des formules fort bienvenues y abondent, ainsi que des anecdotes grâce auxquelles la gravité un peu pédante de l'analyste culinaire, dans sa théorie de la friture par exemple, laisse la place à la malice, une malice du meilleur ton. C'est à elle que son traité de l'art de manger doit ses plus singuliers et savoureux passages, ceux qui, la verve aidant, paraissent hausser le débat et concerner plus généralement l'art de vivre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand, direct du Salon international de l'agriculture cet après-midi jusqu'à 15h30 sur Europe 1. Et pour parler gastronomie, vous recevez forcément, j'ai envie de dire, Vincent Ferniaud, qui est le présentateur de Midi en France et journaliste gastronomique. Vincent Ferniaud qui est venu avec tous ses fans, il y a un monde fou. Oh là là, c'est dingue. On va dire qu'ils sont nombreux sur le salon. Ah, c'est vrai, c'est extraordinaire. Et vous êtes venu aussi d'ailleurs avec votre propre édition. Absolument, de la physiologie du goût. Absolument, une édition de 1842, donc une petite vingtaine d'années après sa sortie. Et c'est une édition qui appartenait à votre père, c'est il faut vrai, dire. Autre vrai. Très grand gastronome, bien entendu. Absolument. Ça fait un point commun avec Briat-Savarin. C'est vrai que je suis né dans vous une famille dedans, de gastronomes. Vous, oui, exactement. Oui, alors, cet ouvrage, dont tout le monde parle sans l'avoir jamais lu, disons les choses honnêtement, quand je dis tout le monde, enfin la plupart des gens en tout cas, que contient-il exactement? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette physiologie du goût, alors, Vincent Ferniaud? D'abord sur la forme, qui est assez atypique pour l'époque, tout du moins. On peut dire que c'est une miscellanée. C'est-à-dire en sorte un fourre-tout, hein, avec qui est bourré de petites expériences. Ça aurait fait la matière d'au moins 3 livres différents. Absolument, en fait. Absolument. On sent que voilà, sur la fin de sa vie, il a envie de collecter toutes les informations qui ont émaillé sa vie sur la gastronomie et ce qui s'y rapporte. D'abord, on commence par le mot gastronomie, qui apparaît à cette époque-là, juste avant d'un autre révolutionnaire, mais qui était extrêmement pacifique, Joseph Berchoux, et poète. Et qui invente ce terme de gastronomie. D'ailleurs, c'est à peu près la seule chose qui lèguera à la littérature française, en tout cas à la langue française. Et gastronomie, je ne sais pas si ça s'applique exactement. Parce que gastro, c'est évidemment l'estomac. Nomie, c'est la loi de l'estomac. Oui, moi, franchement, c'est pas très appétissant. Moi, je proposerais plutôt nutrilogie. C'est-à-dire, au fond, c'est le discours mieux, hein, sur le nutriment. Oui, alors... Ça fait pas, ça met pas davantage en appétit, disons. C'est vrai, mais ça fait référence à ce qui se trouve vraiment dans la physiologie du goût, à savoir un livre à la d'abord de science pratique, hein, parce qu'il n'y a aucune expérimentation réellement scientifique, en tout cas pas à cette époque, de sociologie, parce qu'il étudie ses contemporains. Dans ce secteur, hein, bien sûr, et il dit d'ailleurs dans ses aphorismes, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Autrement dit, par la consommation des gens qu'il observe, il en apprend évidemment sur leur culture, sur leurs habitudes et sur leur âme également. Donc c'est un livre où on trouve... C'est une sorte de reflet de la personnalité, la façon de s'alimenter. Mais absolument. Hein, on ne peut pas le cacher. Et comme c'est 3 fois par jour en plus, on le donne à voir assez souvent, hein, au cours de la journée. Et puis, il est surtout un homme qui va collecter tout au long de sa vie des expériences gustatives en essayant de rester le plus objectif possible. Il tente des expériences. Moi, ce qui me bouleverse, et vous le disiez tout à l'heure, c'est un homme très éclectique. Qui a évidemment cette connaissance peut-être parcellaire de la physique-chimie, en tout cas celle du début du 19e. Ah, mais quand même, ça l'occupe beaucoup. Il parle beaucoup de la cuisson notamment. Hein, c'est très important. Ah, oui. La cuisine, ce n'est que de la physique et de la chimie appliquées au plaisir. Ah, oui. Donc, c'est important d'avoir un homme qui ait cette formation scientifique. Et il donne surtout à comprendre là où jusque-là on ne donnait qu'à apprendre. C'est-à-dire On entre dans la matière elle-même, d'une certaine façon. Ils s'intéressent beaucoup aux produits avant même de parler de leur préparation, en fait. Hein. Les produits eux-mêmes font une part importante de son travail, son étude. C'est très intéressant. Je vous entendais, évidemment, je suis là, tout à l'heure, parler de la disparition du gibier, par exemple. Il faut savoir que, évidemment, on est dans une période politique extrêmement troublée, au moment de la Révolution. Et avec Brillat-Savarin, on a l'émergence, en fait, d'une nouvelle classe qui est la bourgeoisie. Et voilà. Et bien sûr, la cuisine qui s'y rapporte. C'est la bourgeoisie aux cuisines, finalement, Brillat-Savarin. Exactement. Or, jusque-là, on n'en avait que deux. Il y avait le peuple, c'est-à-dire, grosso modo, les paysans, qui mangeaient le produit de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils produisaient eux-mêmes. Et la noblesse qui tentait toutes les expériences et qui avait en plus, vous le disiez tout à l'heure, enfin, je l'ai entendu comme ça. Le privilège de chasse. Hein. Le privilège de chasse. Ils avaient le temps de chasser. La bourgeoisie n'a pas le temps de chasser, elle travaille. Et donc le gibier disparaît pourquoi ? Ben parce qu'on n'a plus ces grandes oisivetés qui menaient évidemment à la chasse. Et il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ce qu'on appelait les officiers sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire les personnes de la noblesse qui occupaient des fonctions officielles, recevaient ce qu'on appelait, ils avaient table ouverte. C'est-à-dire qu'il n'était pas rare qu'ils reçoivent jusqu'à 40 ou 50 personnes à déjeuner, comme nous disons nous aujourd'hui, on appelait ça dîner. C'est-à-dire qu'on faisait de la cuisine collective avec la bourgeoisie, on se met à faire une cuisine plus individuelle. Cuisine de foyer. Voilà, c'est ça. De foyer, c'est-à-dire un peu plus évolué. Et lorsque vous disiez qu'ils s'intéressent aux produits, je dirais jusque-là, grosso modo, c'était l'apanage de ceux qui les faisaient pousser, hein, de s'intéresser aux produits. Les nobles n'avaient que la dernière partie de cette chaîne qui menait les meilleurs produits sur leur table. La bourgeoisie fait le lien entre les deux. Est-ce qu'on peut dire de Brillat-Savarin qu'il est mort d'excès de table ? Il a l'air d'être contre les excès, mais à côté de ça, on nous le présente constamment comme une sorte de barrique. Je crois que c'était un homme de haute stature. Oui, ça. Et donc, il avait la carcasse pour porter certainement du poids. Alors moi, c'est un sujet qui m'est sensible, puisque j'ai pesé très lourd dans ma vie et que j'ai pas mal minci ces temps-ci. Je crois que de toute façon, et il le dit également dans la physiologie du goût, il y a tout un traité sur les obèses et l'obésité, qui est passionnant d'ailleurs, de ce point de vue-là. Il y voit en fait cinq chapitres. La première, la prédisposition. Et ça, c'est révélé aujourd'hui que la génétique est importante. Oui, ça, on a une nature à grossir ou pas. Hein. Exactement. Farine et féculents, il observe les animaux. Il dit les animaux qui sont nourris de force ou naturellement de farine et de féculents prennent du poids. Donc, voilà. Pour l'humain, c'est la même chose. Le manque d'exercice est une cause, évidemment, et ça, il le dit. Donc, je pense que c'est un homme qui était assez actif, malgré sa stature et son embonpoint. Et sa profession. Et enfin... Il passait beaucoup de temps assis. Absolument, oui, oui. Et l'excès de manger et de boire qui est vraiment criminel. Il faut dire que le livre va offrir à la postérité des aphorismes très célèbres, hein, les aphorismes de Brillat-Savarin. Prétendre qu'il ne faut pas changer de vin dans un repas est une hérésie, dit-il. La langue se sature et après le troisième verre, le meilleur vin n'éveille plus qu'une sensation obtuse. Ce sont des avis qui ensuite feront loi en Absolument. Quelque sorte. Absolument. Il est vrai que on le voit dans des dégustations, quand mes amis de la presse du vin font des dégustations immenses de vin, on se fatigue très vite à goûter un même type de vin. On s'habitue en quelque sorte. Oui. Exactement. L'habitude est l'ennemi du plaisir. Attendre trop longtemps un convive retardataire est un manque d'égard pour tous ceux qui sont présents, dit-il. Ça doit être ce qui a inspiré le Club des 100, vous savez. Ah, mais c'est marrant, j'allais vous en parler, Franck. Mon père, qui était membre du Club des 100, qui était un homme assez... Le Club des 100, il faut dire, c'est un cercle gastronomique très huppé. Hein. Censé être les 100 gastronomes français qui se renouvellent lentement, heureusement, à la faveur de la disparition de certains d'entre eux. Mon père disait toujours, si un convive arrive 10 minutes en retard, je m'en vais. Je quitte le restaurant. C'était pas toujours facile. Hein, oui, ça fait peser une certaine pression sur les épaules. Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qu'il aurait préparé n'est pas digne d'avoir des amis, dit-il. Ça me rappelle une phrase que m'avait dit Jean-Luc Petit-Renaud un jour. Je lui demandais, je préparais un grand anniversaire, vous savez, une date ronde. Et je lui dis, je voudrais recevoir mes amis, donne-moi une adresse, dis-moi où je pourrais, je voulais dire, un restaurant. Et il me dit, mais c'est un anniversaire, oui. C'est pour toi, oui. Et c'est tes amis que t'invites, oui. Alors ça ne peut être que chez toi, m'a-t-il dit. Et finalement, c'est assez vrai. Et voilà. C'est vrai que le fait de recevoir, c'est la meilleure façon de distribuer son affection et son amour. Et pourquoi s'en priver ? On comprend que cette physiologie du goût est en même temps une philosophie du goût. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la bande originale du film Vatel sur Europe 1, un film qui raconte les derniers jours du cuisinier François Vatel, maître d'hôtel du prince Louis II de Bourbon-Condé au château de Chantilly. Et cette musique, elle est signée Ennio Morricone. Et la cuisine, la gastronomie, il en est question cet après-midi sur Europe 1. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Vincent Ferniaud, journaliste gastronomique et animateur télé, bien sûr. Vous êtes en direct du salon de l'agriculture sur Europe 1. Et oui, ce ne sont pas les gastronomes en culotte courte, tout à fait, mais ce sont les gastronomes qui nous donnent un peu l'eau à la bouche, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Merci beaucoup Vincent Ferniaud d'être avec nous, parce que vous êtes à mon avis le continuateur de cette grande lignée. Nous avons évoqué la Bria Savarin, j'ai cité à deux reprises, mais un petit peu vite évidemment, Grimaud de la Reynière. Ce sont quand même des personnes qui ont, sinon... fonder une nouvelle discipline, en tout cas donner à la cuisine française une importance universelle. On cite Grimaud et Bria partout dans le monde. C'est vrai, et quelques successeurs après quelques eux. Quelques successeurs. Kurnonski. Kurnonski, bien entendu. Et puis peut-être plus proche de nous, des chefs aussi. Moi, je voudrais en citer deux, par exemple. D'abord, excusez-moi. Avant de quitter le 19e siècle, je voudrais quand même dire un mot d'Alexandre Dumas. On parlait de Balzac tout à l'heure, mais celui qui a été le plus contributif à la gastronomie française, c'est Alexandre Dumas, évidemment, avec son grand dictionnaire de cuisine en 1873. Donc voilà, une quarantaine d'années après Bria Savarin. Et ça marque en fait la périodicité des grandes œuvres culinaires, parce que ensuite il faut attendre le début du 20e avec Auguste Escoffier. Alors lui, il est cuisinier, il est chef, bien entendu, mais il va avec son guide culinaire révolutionner et un peu inscrire dans le marbre les règles de cette cuisine bourgeoise portée au restaurant, c'est-à-dire professionnalisée. Et voilà, hein, et qu'il va falloir reproduire. Absolument. Quasiment à l'identique tous les soirs. C'est pour ça que les recettes deviennent de plus en plus précises en grammage, en température de cuisson, parce que tout d'un coup, il faut pouvoir le reproduire. Exactement. Et il y a un autre homme qui est moins connu, en tout cas sans son nom réel, c'est Henri Babinski, que l'on appelle, qui signait sous le nom d'Ali Bab, et qui sort en 1907 la Gastronomie pratique, qui est un livre incroyable, qui a été augmenté en 1928 pour faire plus de 1000 pages, et qui est, à mon avis, le livre de cuisine total, voilà, qui a marqué, à mon avis, aussi là le 20e siècle et peut-être encore certains chefs. Je pense évidemment aux grands tenants de la cuisine classique que peuvent être Paul Bocuse, Alain Ducasse, aujourd'hui Jean-François Piège, par exemple. Ce sont des gens qui se nourrissent aux sources de toute cette grande cuisine française qui évolue au cours des âges depuis 200 ans, on peut le dire. Avant, c'était un peu toujours la même chose. On cite encore Bria Savarin quand vous en parlez aux grands chefs aujourd'hui. Vous parlez de Bria Savarin à Monsieur Bocuse ou à Monsieur Robuchon, ça leur parle évidemment. évidemment. Ah, je pense que ça leur parle, oui. Parce que c'est à la fois... C'est un peu le... La physiologie du goût, c'est un peu le petit livre rouge. C'est le Mao de la gastronomie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le Confucius. C'est celui qui a sorti le petit livre, le premier. Donc, il reste un peu le maître à penser de ce point de vue. Et il a créé un certain nombre de principes. Ce ne sont pas des principes intangibles, mais tout de même, à partir du moment où il s'appuie, comme vous nous le disiez tout à l'heure, en partie sur la chimie, on se dit qu'ils sont un peu indépassables, ces principes. Ce sont les frontières d'une certaine tradition gastronomique, quand même. Et toujours cette compréhension. C'est-à-dire quels sont les phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Pas uniquement apprendre une recette, pas être aussi empirique qu'il peut l'être parfois, et essayer de comprendre comment ça marche. Eh bien, l'exemple que vous citiez tout à l'heure en citant Grimaud, c'était la friture. Oui. Il y a un chapitre sur la friture absolument délicieux, où il met en scène un personnage qui est lui, en fait, qu'il appelle le professeur, qui explique à son cuisinier comment cela fonctionne. Et il dit quelque chose qui semble évident pour nous, mais on n'y pense pas toujours. C'est que les liquides ont tous des chaleurs, une fois portés à la flamme, ont des chaleurs différentes. Si on met de l'esprit de vin, si on met de l'eau et si on met de l'huile, évidemment, la résultante n'est pas la même. On sait que l'eau, eh ben, elle s'arrête à 100 degrés. Hein, donc, si on plonge et un corps limité, dedans, bien sûr. Voilà, ça va. Si on plonge une viande dans de l'eau bouillante, elle va perdre ses sucres, elle va perdre son jus, et en définitive, donner le bouilli, qui n'est pas vraiment fameux en tant que tel. Qui appartient plutôt à la tradition culinaire anglaise. Absolument, ou moyenâgeuse, bien entendu. Et il dit, en revanche, l'huile qui monte jusqu'à 180, 190 degrés, va saisir. C'est l'effet inverse, voilà. Voilà, c'est l'effet inverse. On retient le sucre dans la viande. Exactement. Pour les légumes, comme pour la viande ou le poisson, bien entendu. Et donc, c'est tout un traité de physique appliqué où l'on comprend très bien les phénomènes qui Mais en découlent. Les produits, puisque lui s'y attachait à ce point, les produits dont disposaient les chefs du temps de Brillat-Savarin ou de Grimaud de la Reynière étaient des produits d'une toute autre qualité que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Ils étaient pleins de sucs bien plus savoureux, bien plus odorants. Alors moi, je veux pas faire celui qui est nostalgique d'une époque, surtout qu'il n'a pas connue. Vous emmène sur un terrain dangereux. Oui, non. En fait, on est toujours nostalgique de son enfance. Hein. C'est le plus loin qu'on puisse remonter, évidemment, dans ses goûts. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a quand même une prédominance du sauvage, évidemment, à l'époque. Parce que aujourd'hui, vous le disiez, le gibier disparaît, les légumes sont cultivés. De nos jours, tout est produit. Alors qu'à l'époque, on cueillait énormément. On cueillait des fruits sauvages, des légumes sauvages, et il y avait tout un goût très différent. Ce que je trouve extraordinaire chez Brillat-Savarin, c'est l'extraordinaire modernité qui l'amène à distinguer les différents types d'aliments, qui dit que il faut les manger dans un certain ordre, qu'il faut une grande variété, qu'il faut une régularité dans les repas, qu'il faut éviter les abus mais multiplier les essais. Enfin, oui, la diversité. Bref, c'est la diététique actuelle quand même tout ça. Oui, du point de vue de la diététique, je ne sais pas s'il l'appliquait à lui-même, mais il était très fort pour dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, voilà, c'est ça. Le plaisir de la table est de tous les âges, écrivait-il, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Il peut s'associer à d'autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. Mais ça, c'est un aphorisme très politique. Très joli. Hein, très politique parce qu'il est issu de la Révolution française, hein, bien entendu. Quand il dit, voilà, de tous les jours, de tous les âges, de toutes les conditions, et voilà. Ça veut dire que c'est partagé par tout le monde. La destinée des nations, ajoutait-il, dépend de la manière dont elles se nourrissent. On pourrait croire du Giraudoux avant la lettre. Ou du Talleyrand, qui à l'époque s'en est pas mal servi de la gastronomie pour sa diplomatie. Hein. Talleyrand avait dit à Louis XVIII au moment de partir pour négocier au traité de Vienne en 1814-15, Talleyrand dit au roi, je n'ai pas besoin de diplomates supplémentaires, mettez-moi quelques cuisiniers et ça fera l'affaire. C'est vrai que ça n'a pas changé ça. Non, bien sûr. L'univers n'est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit. Là, on aborde à une forme de philosophie déjà, en fait. Il y a le goût passionné de la vie. Et c'est ce qui rend peut-être Brillat-Savarin universel, Vincent Vergniaud. Ah, ça y est, le petit lapsus, c'est normal. Hein, parce que j'ai pensé à lui pendant toute l'émission. Oui, moi aussi, vous imaginez bien que je pense à lui. Disons qu'il y a dans ce livre beaucoup d'humanité. Hein, qui sous-tend en fait tous les chapitres. Ce qui me touche particulièrement, justement, c'est C'est cette façon de recontextualiser en permanence. Alors évidemment, c'est le portrait d'une époque également, mais il a une intuition fantastique. Tout cela est très empirique. Bien entendu, ce sont ses expérimentations propres, ça n'est pas toujours très poussé, mais il a une intuition extraordinaire, due à son humanité et à son empathie pour ses convives et pour les gens qui l'entourent. Nous avons beaucoup parlé jusqu'ici de Brillat Savarin, et pas du tout du Brillat Savarin. Ah. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire, en direct du Salon international de l'agriculture jusqu'à 15h30, avec votre invité pour parler gastronomie, vous recevez Franck-Vincent Ferniaud cet après-midi et nous a rejoint en studio, vous a rejoint au Salon international de l'agriculture, Sabrina Chauvet qui est guide conférencière dans le Bugey Sud et nous irons nous balader dans l'Ain tout à l'heure de 15h à 15h30. Eh oui, bonjour Sabrina Chauvet, merci d'être venue de là-bas si je puis dire. On ne dit plus, alors là j'étais complètement désolé parce que pour tout vous dire, nous avons dans le bureau à la radio un de nos auteurs qui vient justement du Bugey et nous parlons constamment du Haut Bugey, du Bas Bugey. Il paraît qu'on dit plus le Bas Bugey. Maintenant, on est sur le Bugey Sud. Oh, c'est d'une tristesse, voilà. Écoutez ça. C'est pas grave. C'est ça pas perd une... tout son. Alors, pour une émission concernant le goût et les saveurs, vous avouerez que ça perd toute saveur. On me dit, c'est Sébastien qui m'envoie un message via Twitter, en mémoire de Brillat Savarin, les trufficulteurs du Bugey tiennent leur marché tous les ans en décembre à Saint-Champ. Effectivement, vous avez un marché tous les ans qui met à l'honneur cette truffe du Bugey, donc qui va mêler à la fois la truffe noire du Périgord et la truffe de Bourgogne, et on va pouvoir la retrouver sur ces marchés locaux, notamment celui de Saint-Champ. Et Aurélie sur Facebook nous dit « Je travaille actuellement à l'élaboration d'un dictionnaire de patois bugiste avec mes élèves de CM2 et j'ai découvert une petite chanson composée par Brillat Savarin. Inutile de vous dire que je me précipite sur la chanson en question. Le problème, c'est qu'elle est précisément en patois bugiste. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous y essayer, mais moi, je m'en garderai bien. C'est assez amusant, cet homme qui a touché à tout, en quelque sorte. Il a mené 5 vies dans une, Vincent Ferniaud. Mais comme dans son ouvrage, il y a 5 livres en c'est main. C'est ça, hein. Bien entendu. Donc, c'est très ressemblant. Il avait un appétit. De vivre en fait. Absolument, un appétit de toucher à tout, de tenter les expériences. Mais je crois que pour être un gastronome, il faut être curieux de tout et avoir envie de tout goûter, c'est-à-dire d'avaler le monde. Ah oui, c'est ça, être de tous les plaisirs, à commencer par celui-ci. Ça, d'ailleurs, la gastronomie, selon Brillat Savarin, ne concerne pas seulement les papilles gustatives. Ah, certainement pas. Il invente un sens. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est très étonnant, parce qu'en dehors du... On n'est pas très loin des Japonais, là, finalement. Oui, en dehors du toucher, de la vue, de l'ouïe et de l'odorat, il invente le génésique, qui est en fait un sens sensuel, qui est ce qui attire les êtres les uns vers les autres dans le but de la procréation, dit-il. Quels étaient les nouveaux produits, si je puis dire, de l'époque de Brillat? Parce que j'ai parlé de la pomme de terre qui avait été introduite à la génération précédente. Bien sûr. C'est l'époque où l'on se met à consommer du café matin, midi et soir. Enfin, il y a quand même de nouvelles habitudes alimentaires également. Hein. Alors évidemment, tous ces produits du nouveau monde qui ont été digérés, comme vous le disiez, à la génération précédente, font partie de la table des gastronomes. En avant desquels, d'ailleurs, le café en opposition avec le chocolat. Le chocolat qui est devenu aujourd'hui un produit essentiel de l'alimentation plaisir de nos contemporains, à l'époque est encore émergent, ai-je envie de dire. Même si depuis Louis XIV... Oui, ça fait deux siècles qu'on en boit. Tout n'a pas été fait, tout n'a pas été dit. Ni compris, loin de là. Ni compris. En revanche, il y trouve des vertus extraordinaires au chocolat, contrairement au café. Lorsqu'on lit le chapitre sur le café dans le livre de Brillat Savarin, dans la physiologie du goût, on a l'impression qu'on parle de cocaïne, d'un excitant, d'un truc dangereux dont il ne faut pas abuser. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant. Tandis que le chocolat, il dit c'est la panacée. C'est-à-dire ça vous soigne de tout en fin de repas, à condition que ce soit fait à l'eau. Parce qu'à l'époque, on boit le chocolat dissous dans l'eau. Hein. Il n'est pas question de chocolat au lait. Oui, absolument pas. Et on y met des épices, de la cannelle, de la vanille. En fait, c'est exactement le passage entre le chocolatl aztèque, c'est-à-dire le chocolat originel, qui était une boisson salée, très épicée, pimentée, qui était un peu la boisson des dieux chez les Aztèques, évidemment, et le chocolat actuel, qui n'est que douceur. On est à mi-chemin. Alors, j'ai promis à nos auditeurs que nous allions parler du Brillat Savarin, ah, oui. Le roi des fromages, c'est ça ? Bah, il est alors. Pour lui, en tout cas, certainement. Il ne l'a pas connu, hein, parce que c'est un fromage qui a été créé à la fin du 19e, et en Normandie, du côté de Forges-les-Eaux, c'est-à-dire le pays du Neuchâtel. Le Neuchâtel, c'est l'appellation aujourd'hui de fromage à croûte fleurie, la seule de Haute-Normandie. Et c'est en fait comme un Neuchâtel enrichi en crème. C'est ce qu'on appelle la famille des triples crèmes. Ce sont des fromages dont le caillé est enrichi en crème avant de le mouler, ce qui fait que ce sont des fromages très riches. Hein, bien entendu. Et le Brillat Savarin, qui s'est appelé l'Excelsior, a évidemment été nommé, inventé et ensuite nommé par un homme qui était Henri Androuet, qui était un très grand fromager, le père de Pierre Androuet, qui a eu une vie incroyable. Une véritable dynastie de fromagers. Hein. Oui, ça a été une sorte de révolutionnaire du métier de fromager, comme Brillat Savarin était un révolutionnaire. Alors pour moi, la gastronomie. Je ne sais pas pourquoi, quand j'en parle de Brillat Savarin, j'imagine toujours des espèces de tranches de truffes dedans, mais ce n'est pas obligatoire en fait. Ah, mais carrément pas. Non, c'est ça. Alors, si. Alors, vous me posez un problème. Ah j'adore bon les truffes. J'adore les truffes. J'adore le brie. J'adore le Brillat Savarin. Mais le mélange des deux, mais pourtant c'est devenu très fréquent maintenant. On peut dire un petit secret ? Je trouve que malheureusement la truffe étant très chère, on y met souvent de l'arôme de truffe et que ça vient gâcher le fromage. Si on le fait vraiment qu'avec des truffes dans du fromage, c'est merveilleux. Mais on peut simplement croquer un morceau de truffe avec un morceau de fromage. Mais ça c'était le conseil non pas de Brillat Savarin, mais de Vincent Ferniaud. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors nous n'allons pas prendre la Ferrand Mobile car aujourd'hui elle est garée porte de Versailles, la Ferrand Mobile. Hein, au milieu des embouteillages. Exactement devant le salon de l'agriculture. Mais vous allez nous faire voyager quand même puisque nous allons aller nous balader au Bugey. Grâce à Europe 1, nous allons découvrir cette jolie région de l'Ain entre Lyon et Genève. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Il y a Max Franck qui vous dit tout à fait, Franck, nous, bugistes, nous préférons l'appellation Bas-Bugey à Bugey Sud, qui ne veut rien dire. Voyez, donc, il y a beaucoup d'auditeurs qui pensent comme vous. Vous êtes toujours avec Vincent Ferniaud, journaliste gastronomique, et Sabrina Chauvet, qui est guide conférencière dans le Bugey Sud. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Et voilà, et je présente tout de suite mes excuses aux bugistes pour ma prononciation de la cité mythique dans laquelle nous allons aller nous promener dans un instant, puisque j'ai dit deux fois Belley et c'est Belley, pardon. Oui. Avant peut-être de partir pour le Bugey, j'aurais aimé, Vincent Ferniaud, quelques précisions sur nos voisines, parce qu'elles prennent de la place hein, quand même. Elles sont gentilles en même temps, elles se sont couchées là depuis quelques minutes. Ce sont des aubraques. Imaginez des monstres de vaches superbes, magnifiquement encornées, avec sur le dos comme un pelage d'hiver, une sorte de toison. Et on en aperçoit que les croupes, hein, nous nous trouvons. Mais c'est une vision très réjouissante. La race Aubrac, qui est une race très adaptée à son terroir, très rustique. Il faut dire que le plateau d'Aubrac, qui est en fait le nord du Rouergue, hein, vraiment à la frontière du Cantal, c'est le début de l'Aveyron, eh bien, on y fait évidemment ce lait absolument sublime qui donne le Laguiole. Et Laguiole, la cité de l'Aïole est devenue vraiment une cité gastronomique à travers toutes les spécialités qui s'y trouvent et également son grand chef Michel Brasse et son fils qui tiennent là-bas un restaurant 3 étoiles Michelin depuis longtemps. Et ce n'est pas une raison pour manger avec la pointe de son couteau, bien sûr. Et carrément. Et merci de signaler effectivement les forges de l'Aïole, évidemment, où on fait des canifs connus, enfin des couteaux pliants connus depuis des siècles. Mais cette vache, elle est absolument extraordinaire parce que c'est typiquement... Ce n'est pas vous qui le regarde, Sabrina, pardon. C'est juste derrière vous, en fait. Oui, désolé, hein, Sabrina. mais bon, on est vraiment sur une race mixte. C'est ça. Et ça a tendance à se perdre aujourd'hui. Hein. Une viande extraordinaire et aussi ce lait merveilleux. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elles ne vous entendent pas ou qu'en tout cas, elles n'entendent pas au sens de comprendre ce que vous dites parce qu'elles vont se demander quel sera leur sort, les pauvres vaches. Alors, partons. Pour Belley, vous connaissez Belley, bien entendu. Hein, ah oui, je l'ai connu d'abord par mon père qui a été aux entretiens de Belley, qui est une émanation évidemment de la suite logique de la personnalité de Brillat Savarin. Brillat Savarin, c'est l'homme du coin, c'est l'enfant du pays quand même, disons ça, Sabrina Chauvet. Oui, tout à fait, c'est son pays natal, hein. Le Bugey, il y est très attaché, on le voit notamment dans sa physiologie du goût, effectivement, mais au travers du patrimoine belaisan également, ça transparaît, hein, puisqu'on va retrouver plusieurs sites, dont un qui se retrouve devant l'office de tourisme, où vous avez justement une statue avec son buste, qui reprend un des aphorismes les plus importants, celui sur l'art de la convivialité. Si on avait dû le faire en pied, ça aurait fait beaucoup de bronze, hein, quand même. On a préféré s'en tenir au buste. Oui. Effectivement, donc cet aphorisme sur la convivialité qu'on va retrouver, vous l'avez dit, au cours des entretiens de Briat-Savarin, mais également dans toute cette gastronomie et ce territoire du Bugey et qui transparaît encore de nos jours. Il a étudié, là, il a fait sa scolarité au collège de Belley, c'est ça ? Effectivement. Ça existe encore, ça, oui ? Ça existe, oui, c'est le collège Lamartine à l'heure actuelle. Il a fait ses études là-bas avant de partir pour Dijon pour faire ses études de droit. Il a même, dit-on, connu là son premier amour. Effectivement. Elle s'appelait Louise. Oui, Louise, il l'a connue ici. Et c'est vrai que c'est une histoire qui va marquer ses études, puisqu'on a vu qu'il a étudié la médecine et la chimie. Et c'est entre autres à cause de Louise, puisque Louise, en fait, souffrait de moqueries répétées. Et elle va notamment devenir anorexique. Et c'est ce qui fait que Briat-Savarin, par la suite, quand il va partir pour Dijon, il va aussi étudier la chimie et la médecine pour comprendre ce qui s'est passé pour Louise, puisque malheureusement, Louise va décéder de cette maladie. Il a été maire de Belley en 1793, notre cher Briat, bien entendu. J'ai raconté tout à l'heure les difficultés que la Révolution a pu lui causer, car il était tout à fait fidèle au régime royal, lui, au départ. Il le sera jusqu'à la fin de ses jours, même s'il a fait une petite parenthèse bonapartiste, bref, comme beaucoup de gens à l'époque. Hein. Oui, c'était assez courant. Bah, on s'adapte au changement de régime, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut visiter quand on est à Belley? J'ai envie de vous demander... Si nos auditeurs ont l'intention d'aller faire un tour sur les pas de Briat-Savarin, est-ce qu'il y a des points de la ville ou de la région qu'il ne faut surtout pas manquer ? Alors, dans Belley, il faut aller voir sa maison natale, hein, qui se situe dans la grande rue. Là, vous allez pouvoir rentrer dans cette cour qui est de style Renaissance. On va pouvoir observer sa maison natale. Et puis, par la suite, on va pouvoir se diriger vers... On va quitter ce qu'on appelle le quartier bourgeois pour se diriger vers la cathédrale, le quartier religieux, puisque c'est un ancien évêché, Belley. Et vous allez pouvoir découvrir notamment... C'était un évêché autrefois. C'était ça. Un évêché, effectivement. Et vous allez pouvoir découvrir sa cathédrale, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui est dotée d'un très bel orgue, un cavaillé-école du 19e siècle, mais également de beaux vitraux. Hein. Je vous invite à venir découvrir ces vitraux où il y a une certaine... On a l'impression que les personnages vont sortir des vitraux, puisque vous avez une luminosité, des jeux d'ombre et de lumière dans ces vitraux. Et même par un temps couvert, vous avez ces personnages qui vont comme sortir des vitraux de la cathédrale. Autre site à proximité immédiate, puisqu'on est dans un évêché, vous avez le palais épiscopal. Alors là, dans un style plutôt 18e siècle. Et je vous invite à venir découvrir ces deux sites, puisqu'ils sont logés dans un parc, le parc Jean-Pierre Camus, où là, on va retrouver de beaux vestiges gallo-romains. Vous avez des stèles funéraires, mais également deux blocs de pierre. On peut passer souvent à côté de ces deux blocs de pierre qui sont en fait ce qu'on appelle des pierres à cupules. Ce sont des pierres de la préhistoire. Et les cupules, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les petits trous, effectivement, que l'on va retrouver sur la surface du bloc. Et pour la préhistoire, il y avait plusieurs hypothèses quant à leur utilisation. Voilà, à leur signification, si elles sont symboliques. Hein. Exactement. Hein. Il y a toute une symbolique autour de ces pierres et je vous invite à venir les découvrir. Dans ce village, on a à peu près fait le tour. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à Belley. Alors voilà, il faut découvrir le quartier religieux et le quartier bourgeois dans lequel se trouve la maison de Briat-Savarin. Vous avez de très belles maisons également du 18e siècle et du style Renaissance qui sont à découvrir avec la place des Terreaux où se déroulent les entretiens de Briat-Savarin. Si avec Sabrina nous avons commis un oubli, eh bien c'est le moment ou jamais de nous le dire. Vous connaissez le moyen de nous joindre. Et évidemment, Anissa va se faire un plaisir de nous transmettre ensuite absolument toutes vos remarques. Dans un instant, nous allons quitter... Oh oui, ça je veux bien le croire. Nous allons quitter Belley et aller nous promener dans le fameux Bugey Sud. Europe 1, au cœur de l'histoire. Tiens. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est le Bugey qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Jusqu'à 15h30, nous nous baladons dans cette très jolie région avec de nombreuses surprises, du patrimoine, des dégustations. Tiens, d'ailleurs, vous parliez de messages, hein, juste avant la pause. Franck, eh bien, nous en avons sur Twitter avec le hashtag ACDH. Et on a Fine Tessier qui nous dit « Je suis née à Ambérieu en Bugey ». Ici, ça dit tout autre chose. Oui. C'est vrai que Fine, c'est la star hein, cette année. Fine Tessier nous dit « Je suis née à Ambérieu en Bugey et j'écoute avec attention votre tour ». toujours géniale émission. Donc voilà un petit retour aux sources pour cette auditrice. Et effectivement, ce retour aux sources, on le fait avec votre invité, Franck Sabrina Chauvet, qui est guide conférencière dans le Bugey Sud. Eh oui, Vincent Ferniaud est resté avec nous. Il a plein de choses à nous dire sur le Bugey, vous allez voir. C'est Bria Savarin qui disait du Bugey qu'il avait le génie de la bonne cuisine. Il n'y a pas de spécialité bugiste. Il y a une manière de faire qui est unique, qui est proprement bugiste et ne trouve son égal nulle part ailleurs, disait-il. Si ça, ça n'est pas un argument pour vous inciter à aller faire une promenade dans cette belle région. Le Bugey, ajoutait-il, peut prendre une recette venant d'ailleurs, banale, et la transformer, la transcender, l'approcher du dernier état de la perfection, la sublimer et la parfaire. Il y a quand même un certain esprit de clocher chez ce bonhomme, Vincent Ferniaud. C'est normal, quand on a une belle région, on la défend. Moi-même, qui suis originaire du Jura, vous voyez, eh oui, pas très loin, le Bugey, hein. Ah bah c'est voisin. Le Bugey, il n'y a pas de sud Bugey, c'est un peu le sud Jura en fait. Hein. Oh, mais je ne sais pas si vous allez vous faire des amis. Non, je dis ça parce que pour nous, c'est toute l'amabilité de cette région. Le Jura, c'est un pays qui est assez rude, hein, parce que l'altitude évidemment est plus élevée. Et lorsqu'on descend vers la plaine, vers le sud, c'est déjà presque les portes de Lyon. Hein, le Bugey, puis l'Ain, c'est déjà le midi. Voilà, donc il y a cette douceur de vivre en Bugey qui est moins rude quand même que toute dans le Jura. Toute cette région, hein, il y a une aire géographique relativement étendue là autour de Lyon qui est consacrée, qui est vouée littéralement à la gastronomie, il faut le dire. Hein, c'est un des hauts lieux de la gastronomie. Bien entendu, et on peut pas ne pas citer les écrevisses, parce que pour moi, quand on parle de Bugey, on pense aux écrevisses. Alors évidemment, elles sont maintenant difficiles à trouver. Mais à l'origine, voilà, ça fait partie des mythes gastronomiques du Bugey, de ces ruisseaux clairs, de truites merveilleuses que l'on trouvait à l'état naturel. Ah, magnifique. Et la sauce Nantua avec les écrevisses aussi. Ah, et comment? Ça, c'est Anissa qui intervient, qui, à mon avis, n'a pas déjeuné non plus. C'est quoi? Expliquez-nous comment on fait la sauce Nantua, tiens, justement, Sabrina. À moins qu'il vaille mieux que je me tourne vers Vincent Ferniaud. C'est à base d'une bisque, hein, parce que la sauce Nantua, on la comprend avec les quenelles. Donc, c'est les quenelles, logiquement, ça doit être une sorte de... Je vois que vous prononcez bien, les quenelles. Hein. Bah, il paraît qu'il ne faut pas dire... Quand on dit quenelles, on passe pour un Parisien de service, en fait. Alors que si on dit quenelles, on passe pour un Lyonnais, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est une émanation extrêmement lyonnaise, hein, basée sur cette région. La quenelle, c'est en fait un petit soufflet. Hein, sous forme de quenelle, c'est un soufflet. Quand on va la porter à haute température, l'eau, alors on va encore parler de physique élémentaire, mais l'eau qui se trouve emprisonnée à l'intérieur va évidemment se vaporiser et donc ça a gonflé comme un petit ballon, une petite montgolfière. Et du côté de Nantua, qui est au bord d'un lac, comme chacun le sait, hein, je suppose que tout le monde connaît Nantua, j'espère, autrement il faut avec son viaduc extraordinaire. Et bien sûr. En ce moment, on en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages pour les gens qui vont et qui reviennent des sports d'hiver. Oui, ça fait malheureusement un peu partie de ces localités que l'autoroute a un peu délaissées, oui. Ou en tout cas on ne s'y arrête plus, mais il était, je dirais, de bon ton de faire étape lorsqu'on partait sur la route des sports d'hiver dans la région, et mon père adorait Nantua, effectivement, pour y déguster cette spécialité. Et vous Sabrina, vous organisez un parcours Bria Savarin, c'est-à-dire qu'en fait vous emmenez un certain nombre de visiteurs avec vous. Comment en faites-vous? Vous êtes à cheval? Vous êtes à bicyclette? Non, à pied peut-être? À pied tout, voilà. Bête, tout simplement. Effectivement, on va faire un parcours d'une heure à peu près dans le centre historique où on va découvrir différents lieux justement qui vont nous faire ressortir les facettes du personnage, que ce soit l'archéologue, le gastronome, l'homme de loi, l'homme politique. Et l'archéologue, il faut dire qu'il avait fort à faire sur place, bien sûr. Il avait fort à faire, effectivement, avec de beaux vestiges romains, puis cet évêché qui est présent, effectivement. Et ça finit comment? Finit en beauté, puisqu'on va passer l'avant-dernière étape, c'est dans la maison natale de Bria Savarin. Et puis on termine notre visite dans ce qui était en fait le palais de justice, qui est l'office de tourisme actuel, pour vous proposer une dégustation à l'aveugle des vins du Bugey. Hein, où on va écouter, sentir, goûter et réagir par rapport aux saveurs de ces vins du Bugey pour pouvoir en tester plusieurs et après aller les découvrir sur le territoire. Alors, Franck, il y a un vin dont le nom fait rêver et qui est complètement attaché au Bugey, très particulier, c'est le Cerdon. J'aimerais bien que notre invité nous en parle un petit peu de ce vin pétillant, sucré, complètement différent des vins dont on a l'habitude. Particulier. Ouais, très particulier. C'est pas la Clairette de Die pour autant. Ah non, parce que le Cerdon, c'est presque un vin bourru. Hein. C'est presque un vin qui n'a pas fini sa fermentation. C'est très frais, c'est fruité, c'est extraordinaire. Alors nous, on a dans le Bugey le brut du Bugey, hein, qui se rapproche de ce cerdon, effectivement. Personnellement, je ne connais pas bien le cerdon, si vous avez des compléments d'information à donner. Mais je vous invite à goûter le brut du Bugey, qui s'en rapproche vraiment beaucoup. C'est un de nos vins phares. Entre autres, on en a un qui est lié à Briat-Savarin, un qui est le Manicle, donc le caveau bugiste. Vous le montrez pour la caméra, car évidemment, ceux qui nous suivent via Internet peuvent voir cette belle étiquette. Le caveau bugiste de Vogne qui exploite depuis... quelques années, justement, le terroir sur lequel se développait le vignoble de Briat-Savarin, donc, qui est situé vers Chaigneux-la-Balme. On est au nord de Belay. Et là, vous avez donc ce terroir de 10 hectares qui va être très ensoleillé sur un sol argilo-calcaire. On est sur une pente qui est quand même un petit peu importante. On a une falaise au-dessus du vignoble. Et vous avez ce vin donc, qui va être un mélange de pinot noir et de chardonnay qui va donner naissance donc, à plusieurs cuvées, dont une qui est assez fameuse, c'est la cuvée de la Truffière, qui reprend justement des petites saveurs, des petites touches de truffes du Bugey et qu'on va pouvoir retrouver au caveau bugiste. Vous retrouvez le Manicle notamment sur Vogne, aussi au domaine Monem. Je me dis que nous avons énormément de chance parce que chaque jour, nous voyageons comme ça au cœur d'une des régions de notre fabuleux terroir. Quelle mosaïque que la France est. C'est une grande chance que nous avons. On pourrait d'une certaine manière dire que cette émission est un salon de l'agriculture permanent. C'est court, 20 ans, pour moi c'est toute une vie. C'est toute ma vie et je t'ai dans le sang. C'est court, 20 ans, 20 ans c'est toute une vie. T'es toute ma vie, je ne pourrais pas faire ça. Tes yeux. Titre de Jean-Louis Aubert sur Europe 1. Jean-Louis Aubert qui est né à Nantua dans le Haut-Bugey, la célèbre ville d'où est issue la sauce Nantua, une sauce parfaite pour accompagner les quenelles, comme nous a dit Vincent Fernion cet après-midi sur Europe 1. On continue notre balade dans le Bugey avec Franck Ferrand et ses invités, Vincent Fernion, Sabrina Chauvet, guide conférencière dans le Bugey Sud, et un petit nouveau. Petit nouveau qui va faire sa première radio dans une seconde et qui n'emmène pas large. C'est Pierre-Louis Lancel qui est un des piliers de cette équipe et qui est lui originaire non pas du bas Bugey, comme je m'amuse à le lui dire trop souvent, mais du haut Bugey. Alors Pierre-Louis, j'aurais bien aimé avoir une sorte de menu idéal que nous allons soumettre à Vincent Fernion, bien entendu. Je parle sous son contrôle. Ouais, exactement. Alors, je vais essayer de vous donner envie aux auditeurs d'aller dans tous ces petits restaurants qu'on trouve un petit peu partout trouve dans le Bugey et qui sont vraiment formidables. Je vous invite vraiment à même vous perdre dans les villages et aller un petit peu au hasard des adresses. Et vous nous rapportez toujours du fromage, vous, quand vous allez là-bas. J'essaye, oui. Parce qu'il y a du très très bon fromage. Mais ça, on va y venir à la fin du repas, si vous voulez bien. Oui. On va commencer légèrement, parce qu'après, ça va être plus difficile. Ça va être plus pour les bonbons estomac. Donc, on va commencer par une salade de pissenlit. Une salade de pissenlit avec des œufs, avec des lardons bien grillés dans Jusqu'ici, ça va pas nous coûter trop cher. Jusque-là, ça va. Des petits croutons, etc. On fait simple. Mais ça ressemble au Bugey de faire simple. Ah, mais oui, bien sûr. Faut juste faire attention de cueillir les pissenlits avant la floraison. Oui. C'est très important. Et pas par la racine, si possible. Si possible. Ensuite, évidemment, une quenelle, donc sauce Nantua. Très important. Bien la faire griller au four, bien la laisser longtemps au four. Une quenelle qui n'est pas assez cuite, c'est une catastrophe. Je crois que. Je suis d'accord. Très bien. D'accord. Il faut que ça souffle. Jusque-là, ça va. Et on peut accompagner. Il faut même qu'elle fasse remuer le couvercle, hein, c'est ça, tellement exactement. Elle gonfle, en fait. Il faut exactement. Il faut vraiment qu'on voit que ça bouge, que cette nourriture vit. Mmh. Ensuite, je sens que je vous donne envie là. Oui. Ensuite, donc on accompagne cette quenelle d'un manicle rouge. Ça, c'est mon petit truc à moi. Mais on en a là, ça tombe bien. Voilà, on en a. Donc Sabrina nous en a apporté. On pourra faire ça après l'émission. Voilà. Donc après ce repas qui est quand même assez riche. On continue avec du fromage, évidemment, avec le comté, parce qu'on produit aussi du comté dans le Bugey. Il n'y a pas de comté que dans le Jura, cher Vincent. Non, c'est vrai. Il y a le bleu de Gex qui est pas très loin. Et il y a le bleu de Gex. Et le bleu de Gex, pour ceux qui aiment le bleu, je recommande le Perrachu, qui est un bleu encore plus fort et qu'on trouve notamment à la fruitière de Brénaud, donc sur le plateau d'Hauteville. Je note l'adresse. Dit voilà. Quelqu'un qui ne mange pas de fromage. Exactement, j'avoue. On finit tout simplement avec une tarte au sucre qui aura été cuite dans les fours du Bugey. Ça, on en trouve très très souvent dans le Bugey, dans les marchés. Là, je parle cette fois sous le contrôle de Sabrina. Oui, tout à fait. On trouve ça et c'est merveilleux. Et on accompagne ça de cerdon. Comme ça, c'est sucre sur sucre. Et on finit merveilleusement ce repas. Eh bien, je ne sais pas si certains n'avaient pas encore déjeuné. À mon avis, à l'heure qu'il est maintenant, tout le monde est sorti de table. Mais nous sommes équipés. Vous donnez combien à ce Alors, menu? Alors, c'est presque un sans faute. Oui. Dites-moi. Je dirais 17 sur 20. Oh, ben ça... je suis un peu gêné par le sucre sur le sucre. Hein. Normalement, il faut de l'acidité sur le sucre. Oui, ça, c'est un peu embêtant. Je n'ai rien dit. Nous avons un débat. Si je peux compléter, moi je terminerai ce bon repas par une petite liqueur de la distillerie Cario de Belay, une petite Stellina, un petit digestif qui peut permettre de bien apprécier le repas. Je crois qu'on peut applaudir Pierre-Louis et Sabrina pour leur bonne suggestion. Sabrina, nous continuons par la Via Rona. Donc là, on revient à l'Antiquité, en fait. Hein. Alors, effectivement, c'est une véloroute. Hein, donc, c'est une piste cyclable qui va longer le Rhône, qui va vous permettre de découvrir sur 50 km le territoire. Et vous allez découvrir différents paysages du Bugey, hein, que ce soit les paysages avec le géant du Bugey, le Colombier, hein, le massif du Grand Colombier, qui est à l'honneur pour le Tour de France, hein, encore cette année. Et vous avez également les paysages du vignoble. Et plus vous descendez sur le sud, vous arrivez vers des paysages qui sont assez spectaculaires puisque ce sont ce qu'on appelle des launes. En fait, ce sont des bras du Rhône, d'anciens bras du Rhône qui forment des tresses. Ah. Et là, vous avez un sentier, le sentier des launes, qui va vous permettre de comprendre ce milieu. Un milieu qui est très apprécié par les poissons notamment, comme lieu de reproduction, pour leur alimentation, leur nidification. Et c'est véritablement un paysage magnifique qui s'offre à vous avec toutes ces tresses qui sont animées par le fleuve et d'anciens bras du fleuve. Mais dites-moi, si ma mémoire est bonne, ou plutôt si mes notes sont bien faites, on n'est pas très loin de la cascade de Glandieu, là. Effectivement, hein, c'est une des plus spectaculaires. On en a beaucoup dans le Bugey Sud, mais vous en avez celle-ci au sud du territoire qui est intéressante puisque c'est une cascade qui fait 64 mètres de haut, donc assez spectaculaire. Alors, elle est alimentée par un cours d'eau qu'on appelle le Gland. En fait, ça vient du gaulois, qui veut dire eau pure, le Gland. Et vous avez donc cette cascade qui va en regrouper trois, qui vont se répartir sur toute la surface, sur ces 64 mètres de haut. Et vous avez véritablement une cascade qui a une force au niveau de sa chute d'eau. Et par le passé, on avait mis en place des moulins, notamment pour utiliser la force de l'eau. Et au pied de la cascade, encore à l'heure actuelle, vous apercevrez des bâtiments qui sont en fait d'anciennes marbreries qui étaient présentes sur place jusque dans les années 1970 et qui, justement, utilisaient cette force de l'eau. Alors, une page d'histoire nettement moins souriante, nettement plus sombre. décembre, on arrive là à la maison d'Izieux, qui est juste, qui est à proximité immédiate, effectivement, de la cascade. Alors c'est un site majeur de notre histoire, un lieu de mémoire important pour le devoir de mémoire. Et je vous invite à venir découvrir ce site qui va vous faire partager le quotidien de ces enfants de la maison d'Izieux. D'enfants qui ont été raflés en avril 1944. Effectivement, en avril, le 6 avril 1944. Et vous avez donc là les différents portraits des enfants, leur histoire, leur parcours, mais également au cours de l'exposition permanente qui se trouve, elle, dans la grange. Vous avez là toute l'histoire, le contexte global, les acteurs qui ont aidé ces enfants à survivre et à être présents dans cette colonie pour un temps. Et vous avez aussi cette notion de crime contre l'humanité qui va ressortir, les procès qui ont eu lieu. Donc véritablement une histoire importante qui fait partie de ce devoir de mémoire. Et je vous invite véritablement à venir découvrir ce site. Vous avez des visites pour les adultes, pour les enfants également, qui sont adaptées, qui vous feront découvrir cette belle histoire. Nous allons remettre nos chaussures de randonnée pour repartir vers tout le nord hein, de ce bas Bugey, de ce Bugey sud, pardon. Mais c'est, vous avouerez que dire le nord du Bugey sud, ça commence à devenir un peu bizarre. Le secteur du plateau de Retort. Au plateau de Retort avec le Valromé, le géant colombier qui est ici, hein, qui prédomine. Là, vous avez des paysages à couper le souffle, de belles étendues qui sont très verts, notamment. C'est très vert. Hein. C'est un véritable poumon vert où on peut faire des activités autant l'hiver avec tout ce qui est. L'hiver, c'est moins vert, c'est plus blanc. C'est plus blanc, voilà. Mmh. Avec les randonnées en raquette, les balades en chien de traîneau, les randonnées. Et le ski nordique et alpin. Et puis l'été, la randonnée tout court. Ou bien, pour ceux qui aiment faire du vélo de route, eh bien, c'est une terre pour les chasseurs de cols, hein, notamment avec le Grand Colombier, mais bien d'autres cols qui sont présents sur le territoire. Mais là, il faut avoir des mollets. Voilà. Oui, Pierre-Louis. Oui, je voulais juste préciser que le plateau de Retort, c'est un lieu d'un calme incroyable. Et quand on est citadin, par exemple, c'est vraiment une très, très bonne idée d'y aller pour un week-end et vraiment se reposer, couper avec la ville. Ouais. Et voilà, donc vraiment, je ne saurais trop le recommander, le plateau de Retort. Eh bien voilà, une recommandation qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Je suis ravi que nous ayons pu faire cette promenade. Nous avions découvert le Haut Bugey il y a quelques semaines maintenant. Maintenant, le Bugey Sud. Finalement, toute la région, désormais, est à la disposition de nos auditeurs qui, j'espère, ont pris des notes. Merci beaucoup, Vincent Ferniaud. C'est moi qui vous remercie, Franck. Vous savez que je suis toujours à disposition hein, lorsqu'il s'agit de parler de bonnes choses ou de les partager. De bonnes, de belles choses et d'en parler avec une certaine philosophie, avec une certaine profondeur. J'ai presque envie de dire que vous êtes notre Bria Savarin à nous. Merci beaucoup, Vincent Ferniaud. Merci, ça me touche. Et le moment est venu de retrouver Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup. On a inversé beaucoup. Les rôles aujourd'hui. La Cour des Grands arrive tout de suite, 15h30, 17h. Et on se retrouve lundi en direct, promis. Bon week-end. Merci beaucoup. Et je rends l'antenne à la rue François 1er et à notre chère Anissa. À demain pour la rediff et à lundi, bien entendu, Anissa. Avec grand plaisir à lundi, Franck Ferrand, à partir de 14h sur Europe 1. Lundi, vous nous parlerez de Sergueï Eisenstein sur Europe 1. Bon week-end à tous.